professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. En quoi et sous quelles conditions l'analyse juridique peut-elle contribuer, demande Alain Supiot, à éclairer les transformations de notre société, travaillées par la globalisation, la révolution numérique et le passage, selon la formule de notre juriste, du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres, d'un imaginaire qui s'est donné comme objet fétiche l'horloge, à l'imaginaire cybernétique. À l'issue de l'année 2016, marquée au-delà des sanglants attentats et des ondes de choc du terrible conflit syrien, par l'ébranlement du Brexit et les secousses de l'élection de Donald Trump, ineffable businessman populiste à la tête des États-Unis, dont le monde ne sait ce qu'il faut attendre de l'investiture le 20 janvier prochain, l'idéal des objets mesurables, de la statistique, de l'algorithme qui numérise tout et pourrait tout maîtriser, cette gouvernance par les nombres serait-elle bousculée par un retour de bâton de l'imprévisible ? Cet imprévisible qui fait notre monde, Alain Supiot, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, fondateur en 2008 de l'Institut d'études avancées de Nantes, dont il préside aujourd'hui le comité stratégique, s'attache dans son approche transdisciplinaire et transnationale à lui rendre sa juste place à cette imprévisibilité et il montre quelle partie nous pouvons tirer de l'analyse juridique dans la longue durée et dans une approche comparative. La série de cours que vous allez pouvoir suivre jusqu'au 24 janvier a fait l'objet d'un stimulant ouvrage intitulé « La gouvernance par les nombres » publié chez Fayard en 2015 dans la collection malicieusement nommée « Poids et mesures du monde ». Alain Supiot l'a défini comme « ouverte, et je le cite, à des auteurs de tous les continents qui ont en commun de considérer la diversité des systèmes de pensée, non pas comme un reste d'irrationalité dans un monde destiné à devenir uniforme, transparent et gérable, mais comme un support indispensable à l'institution de la raison dans un monde destiné à demeurer divers et imprévisible ». Et c'est dans cet esprit qu'il ouvre ce matin sur la part indémontrable des sociétés, son armature dogmatique, les systèmes de croyances, le fameux imaginaire collectif. À l'orée d'une année d'élection, où les populistes battent campagne, où la mondialisation est critiquée, où l'on craint et l'ubérisation et l'influence plus ou moins réfléchie des réseaux et autres dérives numériques, le juriste remet bien des questions en perspective et retourne quelques idées reçues. Il met en garde contre un certain aveuglement, contre la déconnexion du réel. En 2008, dans une note pour le think tank Notre Europe, il avertissait. Et je le cite, « On aurait tort de ne pas prendre au sérieux ce que les dirigeants chinois appellent aujourd'hui l'économie communiste de marché, car elle éclaire le cours pris par la globalisation. Nos notions de communisme, d'économie de marché ou de démocratie ne nous permettent en effet ni de comprendre la singularité des voies empruntées aujourd'hui par la Russie ou la Chine, ni de voir en quoi ces pays sont à l'avant-garde des tendances plus générales du nouveau capitalisme mondial. Elles ne sont pas davantage en mesure d'éclairer le déficit démocratique de l'Europe, ni l'effacement dans les pays occidentaux du politique au profit de la gouvernance à base d'indicateurs chiffrés et autres techniques de benchmarking. Nous voici au cœur des enjeux et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'introduction d'Alain Supiot le 31 janvier 2013 du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres. Alors, comme vous le savez, le cours de cette année va porter sur l'un des trois principaux thèmes que j'ai évoqués dans ma leçon inaugurale, celui d'une gouvernance par les nombres et de son rapport complexe avec le gouvernement par les lois. Alors, pour se faire une première idée de ce problème, il faut commencer par rappeler que le droit et les institutions ne sont pas indépendants de l'imaginaire collectif qui domine une période donnée, mais participe bien au contraire de cet imaginaire. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas de commencer ce cours en mettant ainsi d'emblée carte sur table, mais je crains que vous ne puissiez le suivre utilement ni le critiquer si je ne commence pas par vous expliquer très brièvement les perspectives théoriques dans lesquelles il s'inscrit. Le concept d'institution imaginaire de la société a été avancé en 1975 par Cornelius Castoriadis dans un livre publié sous ce titre, L'institution imaginaire de la société, dont je recommande la lecture à tous ceux qui s'intéressent à la chose juridique. Parler d'institution imaginaire ne veut pas dire que nos institutions soient l'expression de purs fantasmes, c'est-à-dire de ce flux, de ce magma de représentations mentales qui nous habitent depuis notre vie fœtale jusqu'à notre mort. Bien au contraire, l'institution sociale de l'individu, le fait de l'instituer comme individu, consiste à l'arracher à ce magma pour le faire, écrit Castoriadis, accéder au monde social et au monde des significations comme monde de tous et de personnes. Fin de citation. Ça veut dire que ce monde de significations communes que l'institution impose à la psyché est lui-même le fruit d'un imaginaire, mais d'un imaginaire social qui doit, pour que la société survive, être compatible avec ses conditions physiques et biologiques d'existence. Alors voici comment Castoriadis situe ce monde de représentations communes. Toutes les prétendues fondations transcendantales, écrit-il, sont à la fin obligées d'invoquer un fait et un fait brut. Qu'il y ait expérience pour Kant, qu'il y ait Lebenswelt pour Husserl. Donc, il commence par dénoncer cette illusion qui aurait à vouloir accrocher le droit et les institutions à des fondements purement idéaux. Mais, écrit-il, réciproquement, l'idée d'une science des faits qui n'impliquerait pas une ontologie n'a jamais été qu'un fantasme incohérent des scientifiques. Les faits n'existent pour nous qu'au travers d'un système de représentation. Et ce fantasme incohérent, qui comme tel et dans son contenu, exprime déjà une métaphysique particulière et, souligne Castoriadis, particulièrement incohérente. Fin de citation. Alors, à partir du moment où il participe de cette institution imaginaire de la société, l'ordre juridique ne peut être séparé ni des conditions matérielles d'existence où il s'inscrit, ni déduit de ces conditions. Il se présente en effet toujours comme l'une des réponses possibles aux défis que ces conditions posent à l'espèce humaine. Par exemple, le défi de la volatilité de la parole. J'ai croisé quelqu'un en rentrant dans l'amphi, on a dit on va peut-être se voir, peut-être, dans une heure, peut-être pas, les paroles volent. Eh bien, face à ce défi, il peut y avoir le contrat qui fixe la parole, qui lui donne une force obligatoire. Et c'est la raison pour laquelle Il est aussi vain de vouloir le fonder sur des bases transcendantales que de vouloir l'expliquer par sa base matérielle, ou encore, ce que fait le positivisme juridique, l'analyser comme un objet technique vide de toute signification. En deçà de ce qui les oppose, ces grandes théories du droit, le juste naturalisme, le positivisme kelsénien, et les différents avatars de ce qu'on peut appeler le matérialisme juridique, qu'il s'agisse du biologisme, sur lequel nous aurons à revenir, du sociologisme ou de l'économisme, tous procèdent en réalité de la même dichotomie sujet-objet, c'est-à-dire en réalité d'une manière proprement occidentale de se représenter notre rapport au monde. Nous devons beaucoup à cette façon de penser, nous lui devons notamment l'essor des sciences exactes, mais elle risque, si nous n'y prenons garde, de nous rendre aveugles à la singularité foncière de l'être humain. Les paroles et les outils de cet animal dénaturé projette sur le monde les images qui l'habitent, mais sa survie dépend de sa capacité à ne pas perdre pied avec les réalités de ce qu'Augustin Berque appelle son écoumène. Et cette notion me semble beaucoup plus riche, beaucoup plus précise que la notion habituelle d'environnement. La notion d'environnement elle-même étant portée par la dichotomie sujet-objet, il y aurait le sujet, il y aurait ce qui l'environne. La notion d'écoumène souligne le fait que le sujet lui-même participe d'un milieu et ne peut être pensé indépendamment de ce milieu. Donc nos institutions, comme toute œuvre humaine, donnent ainsi à voir les images qui ont présidé à leur conception. Un marteau donne à voir l'image qu'on va taper sur un clou, peut-être. Un avion, l'image qu'on va voler. Il y a une image qui a présidé à la conception de n'importe quel objet technique. Le droit, comme la technique, la religion ou les arts, est un fait de culture qui inscrit dans la durée les représentations du monde qui dominent une époque donnée. Alors, inscrivant ainsi le droit dans cet ensemble, dans une sorte de continuum technique, droit, institution, art, esthétique, je ne veux pas dire que toutes ces représentations sont équivalentes. Bien sûr, ces représentations techniques, juridiques ou artistiques possèdent chacune leur propre système de référence. L'avion, pour reprendre l'avion, incorpore dans un objet technique un rêve, le rêve humain de s'élever dans les cieux, mais son efficacité en tant qu'objet technique dépend du degré de vérité des connaissances scientifiques qui ont présidé à sa construction. Cet adossement de la technique à des vérités scientifiques distingue d'ailleurs notre technique moderne de celle de l'Antiquité. Du côté de l'œuvre d'art maintenant. Alors, à la différence de la technique, l'œuvre d'art est totalement émancipée de l'impératif de vérité et peut donc s'évader complètement de la pesanteur du monde tel qu'il est. D'ailleurs, Peter Pan s'envole dans les airs sans avoir besoin d'avion. Mais cette œuvre d'art ne sera, en principe, considérée comme une œuvre d'art. Alors, la question de savoir qu'est-ce qu'une œuvre d'art ou pas est un terrain glissant, donc je ne vais pas m'y engager. Mais on peut dire qu'en principe est considérée comme une œuvre d'art ce qui a une valeur esthétique. Et c'est à l'aune de cette référence esthétique qu'elle sera jugée. Alors, le droit, quant à lui, occupe une position à mi-chemin entre l'art et la technique. Sa référence ultime n'est ni la vérité, ni l'esthétique, même si, bien sûr, il a partie liée avec l'une et l'autre, mais la justice. Et de même qu'un zeppelin peut se révéler dangereux et qu'une peinture peut être une croûte sans valeur, une règle de droit peut être injuste. Mais dire qu'elle est injuste, c'est encore la référer à ce qu'elle devrait être. Comme l'art, donc, le droit évolue dans un monde fictionnel. Exemple de fiction, nous vivons dans une république où règnent la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais comme la technique, le droit vise à agir sur le monde réel et doit donc en tenir compte. Alors, ces différentes représentations techniques, artistiques, juridiques interagissent et participent toutes d'une même culture à un moment donné, sans qu'on puisse dire que l'une détermine l'autre. C'est par exemple un même imaginaire industriel qui a donné le jour aux usines électriques, au film Metropolis de Fritz Lang et au droit du travail. Un imaginaire dominé par les lois de la physique classique qui regarde l'univers tout entier comme une vaste horlogerie mue par un jeu implacable de poids et de force, nous aurons l'occasion d'y revenir. Et ces poids et forces, tout à la fois, s'imposent aux hommes dans cet imaginaire et peuvent être mises à son service. L'État social a ainsi été conçu comme une machine correctrice des inégalités engendrées par le progrès industriel, et il a donc partie liée avec cet imaginaire industriel. Il n'a jamais visé à éradiquer les formes nouvelles de déshumanisation du travail engendrées par le taylorisme, mais plutôt à en compenser les effets en promouvant une justice sociale protectrice de la santé et des revenus des travailleurs. L'État social ainsi défini s'inscrit, nous y reviendrons là aussi, dans l'histoire de l'État, et l'histoire de l'État s'inscrit elle-même dans l'histoire encore infiniment plus longue des formes du gouvernement des hommes. Né avec le monde industriel, il ne correspond plus à l'imaginaire cybernétique qui domine aujourd'hui les esprits. Cet imaginaire cybernétique n'a plus comme objet fétiche l'horloge, la montre, mais l'ordinateur. Et, comme nous le verrons, il porte avec lui, au plan institutionnel et juridique, l'idéal d'une gouvernance par les nombres. C'est donc le sujet sur lequel nous allons longuement revenir toute cette année. Alors, l'État moderne, je viens de dire que l'État social n'était qu'un moment de la longue histoire de l'État, l'État moderne naît, nous le savons, notamment, et on y reviendra là aussi grâce aux travaux de Harold Berman ou Pierre Legendre, avec la révolution grégorienne des 11e, 12e siècles, qui institue l'État comme source vivante des lois. Et l'État est conçu alors comme un être transcendant et immortel, ce qui lui a servi de modèle, et là vous voyez aussi l'influence de l'imaginaire, ce sont les anges. Car ce que l'on connaissait au Moyen-Âge, on connaissait les êtres humains qui avaient un début et une fin, qui naissaient et mouraient. Dieu qui n'avait ni début ni fin, et puis il y avait les anges qui étaient des êtres créés, mais immortels. Et ça c'est chez Kantorowicz, il explique comment les anges ont été cette image qui a présidé à l'invention de ce qu'elle est, une invention promue à un destin considérable, puisque c'est non seulement l'État, mais toute l'idée des personnes morales, de droit public, qui est accrochée à cette représentation. Et autour de cet être transcendant et immortel qu'est l'État, s'ordonne un système juridique se suffisant à lui-même. Alors c'est le destin de cette forme particulière qui est en cause avec la crise des États-providence. Et c'est la raison pour laquelle l'État ne sera pas considéré ici comme un paradigme, c'est-à-dire comme un cadre de réflexion, comme quelque chose de déjà donné et de clair, mais bien plutôt comme une catégorie à réinterroger. D'où le recours à la notion de gouvernement dans l'intitulé de ce cours, notion beaucoup plus compréhensive. Alors, je ne suis pas le premier à tenter ce pas de côté de la notion d'État à la notion de gouvernement. Et parmi des prédécesseurs illustres, Je pourrais citer ici Locke, dont le traité du gouvernement civil, édité pour la première fois en 1690, est l'un des textes canoniques de la pensée juridique moderne. Si vous reprenez ce traité du gouvernement civil, vous serez surpris de constater que la notion d'État, de state, n'y apparaît que sous deux formes, le state of nature, l'état de nature, et le state of war, l'état de guerre. Autrement dit, pour définir des formes de pouvoir qui sont justement pas soumises au règne d'un gouvernement. Pour désigner ce dernier, Locke parle de commonwealth, qu'on peut traduire par république, et non pas de state. Il se démarque ainsi de Hobbes, dont sur le texte duquel nous allons venir tout à l'heure, qui, nous le verrons, use du mot state comme un synonyme de res publica ou de commonwealth. Alors, vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller très loin, il suffit de franchir la Manche pour se rendre compte que la généralité et l'évidence que nous sommes enclins à prêter au concept d'État se trouvent vite démenties dès lors qu'on sort de notre propre culture juridique. Alors, il y a un autre auteur illustre qui a usé beaucoup plus récemment de la notion de gouvernement comme d'une catégorie compréhensive des formes d'exercice du pouvoir. Il s'agit de Michel Foucault, dans son cours, aujourd'hui publié, intitulé « Sécurité, territoire, population ». Alors, le concept de gouvernementalité avancé par Foucault est une référence incontournable pour ce qui nous occupe ici, quand bien même nous l'aborderons d'une façon, la notion de gouvernement, d'une façon tout à fait différente par un versant proprement juridique. Donc, voilà, j'espère avoir justifié le fait de partir du concept de gouvernement plutôt que du concept d'État. Mais cette prise de recul vis-à-vis du concept d'État est nécessaire, mais pas suffisante, pour aborder le droit dans la perspective de la mondialisation. Car les autres notions auxquelles nous recourons pour penser le droit et les institutions, toutes les notions, d'ailleurs y compris celles de gouvernement, doivent elles aussi, dans le contexte de la globalisation, être réinterrogées dans cette perspective, car elles sont, au même titre que l'État, des produits de l'histoire occidentale. Je l'ai dit, la première exigence de méthode dans le contexte d'ouverture de l'univers institutionnel au-delà de l'horizon euro-américain consiste à faire un retour critique sur nos catégories de pensée. Mais si on veut ainsi en faire retour, ce n'est pas pour se défaire de ces catégories, mais pour les situer et prendre la mesure de leur enracinement dans l'histoire de la pensée occidentale. Autrement dit, pour s'en servir, pour penser, au lieu de les laisser penser à notre place. C'est toujours le problème que nous avons avec le langage, c'est que nous pensons avec des catégories reçues et il faut toujours les manipuler avec un regard critique. Alors commençons tout de suite d'ailleurs par la notion d'Occident. Je viens de vous parler de pensée occidentale. La référence à l'Occident ou à la pensée occidentale a, dans le contexte juridique, un sens extrêmement précis. La notion d'Occident renvoie en effet à l'histoire longue de nos institutions et plus précisément à la matrice juridique romaine de notre culture. La division des empires romains d'Orient et d'Occident n'a pas seulement été d'ordre politique et religieux, mais a aussi une importance décisive dans l'histoire du droit. La chute de l'empire d'Occident est intervenue en 1476 et elle a créé dans cette partie de l'Empire un vide institutionnel que l'Église a été amenée à combler, et c'est ce qui a ouvert la voie au montage romano-canonique de la période médiévale, d'où est sorti le concept, notre concept d'État. Dans l'Empire romain d'Orient, cet empire, lui, il a survécu jusqu'en 1453, c'est-à-dire près de 1000 ans, à la chute de Rome. Et dans cet empire, une symbiose s'est opérée dans le monde, ce qu'on va appeler le monde orthodoxe, entre le sacerdoce, hierosyné en grec, et l'empire, basileia, donnant naissance à la figure d'un monarque qui est aussi un prêtre. L'ignorance abyssale de la spécificité institutionnelle du monde orthodoxe par les gouvernements occidentaux est la source de malentendus millénaires. Si je parle ici d'ignorance abyssale, c'est parce qu'il me semble que, dans l'ensemble, nous en savons plus, même sur l'exotisme japonais ou chinois, que sur la spécificité du monde orthodoxe. Et vous en aurez comme exemple les conditions d'entrée de la Grèce dans l'Union européenne, qui avaient été vues par les pays ouest européens comme une sorte d'héritière directe de la démocratie grecque, faisant l'impasse sur cette histoire extrêmement complexe qui passe par l'Empire byzantin et par l'Empire ottoman. Je dis cela pour souligner d'abord que c'est faire de l'histoire n'a pas qu'une vertu décorative ou esthétique. Devenir aveugle à sa propre histoire, à l'histoire de nos montages institutionnels, c'est devenir non seulement ignorant, mais maladroit, et d'une maladresse qui peut avoir des conséquences tragiques sur la vie des peuples. Une autre chose que je retiens de cette petite explication du concept d'Occident dans notre histoire juridique, c'est que le comparatisme dans le contexte de la globalisation ne doit pas, pour être utile, être réduit à la comparaison que l'on fait si fréquemment entre les pays de droit civil et les pays de common law. Bien sûr, cette distinction est importante, mais le droit dit continental et la common law sont les deux rameaux d'une même culture juridique occidentale. Ce sont deux expressions de cette culture. Elles sont certes rivales, elles l'ont été, elles le demeurent plus que jamais, dans le projet d'occidentalisation du monde, mais elles sont toutes deux confrontées, depuis l'entreprise coloniale, à des montages institutionnels différents, avec lesquels elles ont été et demeurent plus que jamais obligées de composer, donc dans le contexte de la globalisation. C'est une lutte entre ces deux traditions qu'on peut observer dans la plupart des grandes institutions européennes et internationales. Voilà pour le concept d'Occident. Quelques mots sur la notion de mondialisation ou de globalisation et de la manière dont elle est employée dans le contexte de ce cours. J'ai abordé très brièvement ce point dans ma leçon inaugurale, mais je crois nécessaire de le préciser ici. La langue française distingue ou permet de distinguer globalisation et mondialisation. C'est un privilège parce que dans d'autres langues, on a seulement, en allemand, Globalisierung, Globalization, etc. Or, ces deux concepts peuvent désigner des choses différentes. Si l'on prend l'étymologie du mot « monde », et là je me réfère notamment à certains écrits d'Augustin Berck, le géographe, sur justement la mondialisation, la notion de « monde »,« mundus » en latin, s'est définie par opposition à ce qui est « immonde ». Ce qui est l'immonde, c'est ce qui est le chaos. Et le chaos lui-même se définit par opposition au cosmos. C'est-à-dire, vous avez entre immonde et monde la même opposition sémantique qu'entre chaos et cosmos. Et faire advenir le cosmos, c'est de faire advenir un ordre. Et un ordre soumis à un principe esthétique, c'est de cosmos que va venir cosmétique aussi. Par opposition à « chaos, qui est l'empire du désordre et de la confusion. Donc parler de mondialisation comme processus, c'est d'un point de vue juridique institutionnel, parler de la possibilité de mettre de l'ordre, d'enclencher des processus institutionnels pacificateurs et ordonnateurs, dans un contexte, celui de la globalisation, qui voit la déstabilisation d'un vieux monde juridique et institutionnel, celui qui regardait la planète comme un pavage d'États souverains. Donc c'est la raison pour laquelle la mondialisation ne désigne pas ici une extension à l'échelle du globe, ça je crois que c'est plutôt la notion de globalisation qui porterait ça, de la pensée occidentale. Quand on dit on va globaliser le monde, c'était lié à toute cette théorie de la fin de l'histoire, qu'il y a une victoire finale des valeurs de l'Occident et que le monde entier va se convertir à ces valeurs. Mondialisation, au contraire, signifie que cette déstabilisation du monde ancien oblige à sa remise en question, conduit à sa remise en question par d'autres façons de penser l'institution de la société, et ces façons de penser ont été et continuent d'être elles-mêmes bousculées par la modernité occidentale. Que ce soit en Afrique, en Inde, en Chine, les manières traditionnelles d'instituer l'homme et la société sont bousculées, comme elles l'ont été d'ailleurs au début de l'industrialisation dans le cas européen. Il faut donc renoncer aussi bien aux illusions d'un essentialisme qui considérerait les cultures juridiques comme des structures invariantes, persistant dans leur être, quoi qu'il arrive, qu'à celle de la théorie de la fin de l'histoire et du triomphe de la culture occidentale sur toutes les autres. Quand on parle de mondialisation, on parle d'un processus ouvert à l'action et à l'imagination des hommes. Ces jeux d'influence réciproque entre les modes occidentaux d'instituer et les autres sont particulièrement puissants dans le cas du droit social. En effet, ce ne sont pas aujourd'hui seulement les systèmes de solidarité traditionnels qui sont broyés par la dynamique du capitalisme, comme ce fut le cas, par exemple, dans l'Europe du XIXe siècle. Vous le savez que le droit social est né, dans un premier temps, de la dislocation de ce qu'étaient les solidarités de proximité. C'est par exemple le mouvement des enclosures dans le cas britannique, qui va chasser des paysans de leur lieu habituel de vie et de solidarité, pour les précipiter dans un univers plutôt anomique, et le droit social est intervenu pour inventer des formes nouvelles de solidarité qui se sont substituées à ces solidarités anciennes de proximité paroissiale ou professionnelle. Eh bien, dans le contexte de la mondialisation, ce sont ces nouvelles structures liées au monde industriel, c'est-à-dire celles de l'État social, qui sont elles-mêmes déstabilisées, notamment par leur mise en concurrence avec des pays qui sont dans la phase, j'allais dire, d'exploitation anomique du travail. En réalité, cette déstabilisation n'est pas la première, et encore une fois, il ne faut jamais oublier ce qui a été au fond la première violation fondamentale de ces principes, par exemple par la République française, qui est l'expérience de la colonisation et de la traite négrière. C'est par exemple elle qui, pour la première fois, va conduire à distinguer, alors qu'on disait tous les hommes sont libres et égaux, et on va faire du statut personnel, donc on va voir réapparaître dans les colonies des distinctions liées à une prétendue identité biologique ou religieuse de la personne, ce qui était en contradiction avec ce qui était normalement nos principes constitutionnels. Avec la globalisation, sont à leur tour remises en cause les formes contemporaines donc de solidarité. Alors, le projet de globalisation est celui d'un marché total, peuplé de particules contractantes, n'ayant entre elles de relations que fondées sur le calcul d'intérêt. Ce calcul, tend ainsi à occuper la place jadis dévolue à la loi comme référence normative sous l'égide duquel on contracte. Alors, cette nouvelle utopie n'a pas plus de chance en réalité de prospérer que celle dont elle est l'héritière. Ces dernières avaient prétendu trouver, par exemple, dans les lois de la biologie ou dans celle de l'économie, la référence fondatrice du politique. Elles ont trouvé au XXe siècle leur limite catastrophique avec la défaite du nazisme et l'effondrement du communisme réel. Mais la pression que la globalisation exerce sur toutes les sociétés du monde suscite en retour, aujourd'hui, nous en avons des témoignages tous les jours, de puissants mouvements de réidentification religieuse, ethnique, régionaliste ou nationaliste. Il y a un lien structurel entre l'abolition de toute différence dans cette utopie d'un univers peuplé de particules contractantes et indifférenciées, d'unités calculatrices de leurs intérêts, et d'autre part, la réaffirmation partout visible d'identités fondées sur la race, l'appartenance territoriale, nationale, etc. Je prendrai un exemple. Si nous avons un processus juridique d'indifférenciation des sexes qui pourrait être mis en évidence, il est lié structurellement, en d'autres cultures, à des formes de réaffirmation pathologique de cette différence, d'enfermement des femmes, etc. Ces deux phénomènes sont liés. Ce sont les deux faces d'un même délire. Deux expressions différentes d'une crise qui est profondément une crise institutionnelle. Et le trait commun de ces différents processus de réidentification est de chercher ailleurs que dans l'État ou dans la tradition les bases de solidarité nouvelles. Et il s'agit de solidarité de combat reposant sur l'opposition binaire ami-ennemi et qui donne lieu à des relectures fondamentalistes des corpus dogmatiques sur lesquels elle cherche appui. J'ai employé ici le mot fondamentalisme, c'est un mot qui nous vient du protestantisme, c'est le nom de sectes qui, à la fin du XIXe, se sont opposées aux interprétations sociales de la Bible, parce qu'on appelait le social gospel, et qui disaient qu'il faut en revenir à une pureté des textes, il n'y a qu'un sens possible au texte. C'est ça le fondamentalisme. Et lorsqu'on parle d'islam, par exemple aujourd'hui, c'est oublier les islams. Il n'y a pas une charia, il y a déjà quatre écoles reconnues. Mais dans ce processus de réidentification, on a un écrasement de ces capacités d'interprétation et d'herméneutique parce qu'il y a l'aspiration à un texte qui serait absolument pur, unique et imposé de façon universelle. En quoi et sous quelles conditions l'analyse juridique peut-elle contribuer à éclairer ces transformations ? Là, j'en viens à un autre point dans ce chapitre préliminaire et méthodologique. Qu'est-ce qu'on doit entendre ici par analyse juridique ? On est plus habitué, vous le savez, à dire qu'on va faire de l'analyse économique du droit que de dire qu'on va faire de l'analyse juridique, par exemple, de la pensée économique. Alors, qu'est-ce qui nous autorise à parler d'analyse juridique ? Il faut d'abord partir du fait que le droit occupe une place ambiguë dans le champ des connaissances. Pour des raisons qui tiennent elles aussi aux origines médiévales du droit moderne, les juristes occidentaux sont enclins à appréhender le droit comme un système clos sur lui-même, qui n'a rien à apprendre des autres domaines du savoir et rien à leur apprendre. D'un côté, le droit est l'équivalent séculier des systèmes de règles impératives qui, en d'autres temps ou cultures, ont procédé ou procèdent encore de croyances ou de rituels religieux. Tout système juridique repose sur ce que la Déclaration d'indépendance des États-Unis appelle des vérités évidentes en elles-mêmes, c'est-à-dire sur une base axiologique qui confère un sens à ce système et autorise son interprétation. Sur le deuxième alinéa de cette déclaration, nous allons pouvoir lire ensemble. Nous tenons pour évidentes, pour elles-mêmes, les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer et de l'abolir, et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l'organisant la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. Alors, ce que je souhaiterais ici souligner, c'est la logique déductive qui est déroulée par la Déclaration d'indépendance à partir d'un postulat, on dirait en mathématiques d'un axiome, mais le mot axiome, la racine, c'est le même sens que le mot dogme, c'est-à-dire c'est la vérité évidente en elle-même. C'est la vérité qui ne se démontre pas, mais qui se montre, qui s'exhibe. À partir de cette base axiologique qui considère que les hommes sont doués d'un certain nombre de droits individuels, c'est sur cette base que va se dérouler tout un raisonnement, puisque c'est cette base qui légitime le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire, légitimer le gouvernement ? C'est tout à la fois le fonder son pouvoir, et assigner à ce pouvoir une double limite qui est présente dans le texte. Première limite, ce pouvoir doit être fondé sur le consentement des gouvernés. Deuxième limite, qui est une limite fonctionnelle, il doit être utilisé pour garantir les droits individuels dont il est l'expression. Donc s'il manque à cette mission, le peuple dispose du droit, mais cette fois-ci nous n'avons plus affaire à un droit individuel mais un droit collectif, exercé par le peuple dans son ensemble, de destituer ce gouvernement pour en fonder un autre qui lui assurera la sécurité et le bonheur. Notez au passage que le mot « bonheur » apparaît deux fois dans cette déclaration, une fois dans un sens individuel, la recherche du bonheur, le droit à la recherche du bonheur est l'un de ces droits inaliénables, et l'autre fois comme bonheur du peuple qui doit être assuré par le gouvernement en même temps que sa sûreté. Alors vous voyez que de ce texte fameux ressort très clairement l'ambivalence du droit. D'un côté, il repose sur des vérités évidentes en elles-mêmes et des droits inaliénables, c'est-à-dire sur des affirmations de type dogmatique. D'ailleurs, l'ombre du Créateur est présente, plus que l'ombre d'ailleurs. Mais d'un autre côté, son contenu positif n'est pas imputé à une source qui échapperait à la volonté humaine. Ce n'est pas le Créateur qui juge de la légitimité du gouvernement, ce sont les êtres humains eux-mêmes. Donc le droit se présente aussi comme une pure technique, et c'est sans doute l'une des premières techniques immatérielles dont l'homme se soit doté, puisqu'elle est susceptible de servir les fins et les croyances les plus diverses. Ici, c'est la croyance dans des droits individuels, inaliénables et sacrés, mais vous pouvez remplacer dans cette espèce de logiciel cet axiome par un autre, et vous aurez un gouvernement auquel on assignera d'autres fins. Cette ambivalence du droit, à la fois dogmatique, juridique, axiomatique, fondée sur des vérités évidentes en elles-mêmes et technique à la disposition des hommes, cette ambivalence explique le fossé qui s'est creusé entre, d'une part, les tenants d'un positivisme juridique qui entendent exclure du champ de la science du droit la prise en considération de sa base axiologique, donc cela dit, ne tenons pas compte de ce monde des vérités évidentes, de ce qui fonde le système, c'est trop compliqué, laissons-le à sa place. Et d'autre part, les tenants, au contraire, d'un fondement naturel des systèmes juridiques, qui entendent, au contraire, juger ces systèmes à l'aune d'un ordre transcendant ou immanent qui s'imposerait à tous et dont le droit positif devrait se faire l'instrument. Je parle ici d'ordre transcendant ou immanent parce que dans la Déclaration d'indépendance, les Américains se réfèrent au créateur, mais nous avons eu au XXe siècle des expériences dans lesquelles les lois immanentes qui étaient mobilisées pour justifier l'ordre juridique, c'était celles, par exemple, que révélait la biologie raciale. Donc nous avons à ce moment-là la recherche, là aussi, d'un ordre de loi non écrite, révélé par Dieu ou découverte par la science, avec des guillemets, et c'est l'assignation du droit est de se conformer à l'ordre ainsi révélé. Ces deux courants, positivisme juridique et juste naturalisme dans ces différentes variantes, peuvent du reste faire très bon ménage, comme le montre par exemple la préface qu'a rédigée un juriste français extrêmement fameux, Georges Ripper, donc un de nos grands juristes, mais qui a été aussi, vous le savez, garde des Sceaux du maréchal Pétain, et il publie en 1943 à Paris des études de droit allemand. Il rédige la préface et il écrit « L'homme de science a le droit de se désintéresser des conséquences pratiques de ses études ». Donc c'était une manière de dire que le positiviste peut très bien s'entendre avec le naturaliste puisqu'il est totalement indifférent au contenu des règles qu'il étudie. Voilà, ça c'est un des produits de cette cassure de quelque chose qui, à mon sens, n'est pas de l'analyse juridique, mais entre le pur positivisme qui voit le droit comme une collection de choses, et puis d'autre part, une sorte de métaphysique, ou au contraire, de science naturelle du droit. En réalité, il n'y a pas d'analyse juridique sérieuse qui puisse ignorer l'une ou l'autre de ces deux dimensions, technique et axiologique du droit. D'un côté, l'analyse juridique ne doit certainement pas viser à dissoudre le texte dans son contexte, comme tend à le faire le sociologisme ou l'économisme. Mais elle ne doit pas davantage couper le texte de ce contexte, qu'il soit historique, anthropologique ou socio-économique. C'est à cette double condition qu'une analyse juridique sérieuse peut contribuer à l'intelligibilité de phénomènes dont aucune science ne peut prétendre détenir toutes les clés. La règle de droit, à la différence de la norme biologique ou économique, ne procède pas exclusivement de l'observation des faits, elle ne donne pas à voir le monde tel qu'il est, mais tel qu'une société pense qu'il devrait être, et c'est cette représentation qui est l'un des moteurs de la transformation de cette société. Donc la tâche propre du juriste n'est pas d'appréhender directement le monde des faits, celui de l'être, mais celui du devoir-être. Autrement dit, son objet premier porte sur des systèmes de pensée normative. Alors, disant cela, il ne s'agit pas du tout de négliger la dynamique qui relie dans l'action des hommes ces deux univers de l'être et du devoir-être, auxquels il faudrait du reste ajouter celui du pur imaginaire, mais bien au contraire de dire qu'on ne peut saisir cette dynamique sans identifier les systèmes de représentation qui irriguent le droit dans une société donnée. Beaucoup de choses, je vais vous donner des exemples, tout ça est un peu abstrait, mais beaucoup de choses se jouent en effet dans l'écart entre ces représentations, ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire juridique, c'est-à-dire l'ensemble des représentations formelles que le droit peut donner à voir, d'une part, et l'état réel du monde, d'autre part. Si cet écart est trop grand, la réalité disqualifie l'ordre normatif et sape sa crédibilité. C'est ce qui risque d'advenir, par exemple, si derrière la façade d'une loi égale pour tous règne un système, en fait, de passe-droit et d'allégeance personnelle. Alors, l'implosion, par exemple, du communisme réel nous a montré où conduisait cette perte totale de crédit de la chose publique et du triomphe du chacun pour soi et des arrangements négociés dictés par le seul calcul d'intérêt. On peut dire que la perte totale du crédit de la chose juridique dans l'univers du communisme réel le préparait particulièrement bien à une adhésion sans réserve à l'économisme et à un contractualisme généralisé. Mais un contractualisme sans le concept de contrat. Bon, c'est un peu trop compliqué, mais on y reviendra si vous voulez. Mais inversement, donc si vous voulez, si la représentation qui est donnée du monde dans le système juridique est vraiment, n'est pas crédible, si on ne peut pas y croire parce qu'elle est trop éloignée, ça ne marche pas. Mais inversement, un système juridique peut faire advenir, au moins partiellement dans les faits, la représentation du monde qu'il promeut. Il suffit de se reporter à Tocqueville pour comprendre, par exemple, la dynamique du principe d'égalité une fois qu'il acquiert une valeur constitutionnelle. Ou, si je prends l'exemple de l'égalité entre hommes et femmes, il est certain que ce principe ne donne pas aujourd'hui une image fidèle de la réalité. La réalité est encore marquée par de très nombreuses inégalités de fait entre hommes et femmes dans leur situation socio-économique en particulier. Un écart subsiste entre fait et droit. Mais il est non moins incontestable que cet écart s'est réduit en raison de la force normative du principe d'égalité. Donc, pour être féconde, l'analyse juridique doit prendre acte de cet écart qu'il institue. Elle doit aussi, et ça c'est un autre point, prendre acte de la relativité historique et géographique du droit. Celui-ci n'est pas une donnée intemporelle et universelle dans l'organisation des sociétés humaines. Il y a eu d'autres façons d'instituer un imaginaire social, de manière religieuse, il y a eu le ritualisme dont nous aurons à parler. L'analyse juridique doit également prendre acte de la centralité de la normativité juridique, qui est dans nos cultures la seule normativité à la fois délibérée et consciente d'elle-même, et s'imposant à tous les individus relevant de son champ d'application. Alors, vous voyez la difficulté, c'est à la fois la relativité de la normativité juridique et sa centralité dans nos systèmes de pensée. Ce double caractère de centralité et de relativité éclaire la normativité à l'œuvre dans les disciplines scientifiques qui mettent en œuvre le plus souvent à leur insu les catégories du droit tout en leur prêtant une valeur heuristique universelle. De telles catégories souvent issus du droit romain, alors je prends quelques exemples, dans le domaine des sciences sociales, les notions de civilisation, de contrat, de loi, de religion, dès qu'on gratte les grands concepts des sciences sociales, on tombe très souvent sur des catégories juridiques manipulées comme si elles étaient des catégories scientifiques. Il en va de même en biologie, le concept d'hérédité, le concept de patrimoine génétique, sont là aussi portés par le droit. Alors le juriste qui entend saisir le droit comme fait de culture doit donc se préparer à être critiqué sur deux fronts. D'un côté, celui du positivisme juridique, où on lui reprochera de trahir l'intégrité du droit en l'inscrivant dans son milieu. On veut dire que c'est une atteinte à la pureté du droit. Vous ne faites plus de droit, vous faites de la philo, vous faites de la socio, vous faites de l'anthropologie. Bon. Évaluer à cette aune, ni Montesquieu, ni Portalis, ni Carbonnier n'auraient apporté quoi que ce soit à la science du droit. D'un autre côté, il faut se préparer à la critique des sciences sociales, où on reprochera à l'analyse juridique, au contraire, de prêter crédit à des constructions idéologiques au lieu de s'en tenir à des faits. Le droit est alors présenté comme une mystification. Bourdieu disait une opération de magie sociale dont la seule fonction serait de masquer ou de légitimer la vérité vraie qui serait celle de rapport de domination. Faire œuvre d'analyse juridique exige, à mon sens, de ne céder ni aux facilités du positivisme juridique, qui prétend clore le droit sur lui-même, ni à celle du réductionnisme, qui prétend dissoudre le droit dans des lois immanentes, que ce soit celle de la sociologie, de l'économie ou de la biologie. Ainsi envisagée, l'analyse juridique pose, il est vrai, de sérieux problèmes de méthode. Les liens complexes qui relient texte et contexte ne peuvent être identifiés et compris qu'en s'appuyant sur des travaux susceptibles de nourrir leur étude historique et comparative. Et la qualité du travail du juriste dépend alors de celle des sources sur lesquelles il doit s'appuyer et qui viennent d'autres champs de compétences que les siennes, au risque de se trouver pris à son corps défendant, au piège de controverses qui parcourent ses autres disciplines. À cette première série de difficultés méthodologiques liées à la nécessité de mettre le texte en contexte, s'en ajoute une seconde qui est interne au droit. Le prodigieux essor de celui-ci, essor quantitatif depuis le début des temps modernes, encore accéléré dans la période contemporaine, conduit à une spécialisation de plus en plus étroite du travail des juristes, qu'ils soient praticiens ou chercheurs. Il y a c'est plus l'inondation, c'est des sources. On parle de source du droit, mais la source, c'est un objet attirant, c'est le tsunami. Et dans ce cadre, chacun essaie de définir son petit domaine où il va essayer de suivre ce qui se passe. Or, on ne peut aborder les questions de fond qui affectent l'évolution du droit dans son ensemble sans devoir sortir du confort d'une branche du droit déterminée. Il faut donc pratiquer ce qu'on peut appeler une intradisciplinarité qui est rendue difficile par la croissance exponentielle des sources juridiques et la division du travail de recherche entre des branches de plus en plus étroitement définies. Alors, cette ramification du droit s'est considérablement accrue depuis un siècle pour des raisons d'ordre pratique, c'est l'inflation des sources, plus qu'épistémologique. Alors, l'importance de cette ramification est indéniable, mais sa valeur heuristique est faible et peut-être même de plus en plus faible. Et cette faiblesse est particulièrement grande dans le cas du droit social, qui est une branche historiquement récente, à cheval sur le droit public et privé, et dont le diamètre varie d'un pays à l'autre, souvent au gré de l'organisation judiciaire ou administrative. Donc une recherche avancée peut difficilement ne pas transgresser cette division, mais elle oblige ainsi à s'aventurer sur des terres moins familières pour le chercheur que celles de sa discipline d'origine, avec ici encore une prise de risque non négligeable. Ces remarques de méthode étant faites, nous pourrons donc, au prochain cours, aborder son objet proprement dit. Comme vous le savez, la devise pédagogique du Collège de France est d'enseigner la science en train de se faire. Il ne faudra donc pas attendre de ce cours des vérités définitives. Il se présentera plutôt comme un parcours de recherche sur lequel nous allons cheminer ensemble. Je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours d'introduction d'Alain Supiot le 31 janvier 2013 dans le cadre de sa série intitulée « Du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour du cours d'Alain Supiot et la vidéo qui présente l'Institut d'études avancées de Nantes. Le juriste a publié sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social chez Fayard » en 2013. Son cours sur la gouvernance des nombres a été publié chez le même éditeur et sous ce titre en 2015. Un grand merci à Anne-Lise Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation, Milena Hellig. Mixage, Bernard Laniel. Présentation, Meryl Moneghetti. Demain, Alain Supiot interrogera la notion de gouvernement. Belle journée à l'écoute de France Culture.